L'activité militaire après Al-Hudaybiyah, l'expédition de Dhu-Qurad. Cette expédition fut entreprise contre un groupe de pillards appartenant au Banu Fazar. L'emplacement de cet événement est connu sous le nom de Dhu-Qurad et il s'agissait d'un point d'eau situé à une journée de marche de Médine. La plupart des auteurs des Marazi situent cette expédition avant Al-Hudaybiyah, mais ce qui est rapporté dans les deux Sahir est plus crédible. Al-Bukhari rapporte qu'elle eut lieu trois jours avant l'expédition contre Khaybar. Il a été rapporté d'après Salama ibn al-Aqwa', le héros de ce combat, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé ses chameaux au pâturage avec son serviteur Rabah. Salama lui-même raconte « Prenant le cheval de Talha, je me suis rendu au même endroit dans le même but. Au lever du jour, Abdurrahman al-Fazari s'empara de tous les chameaux et tua le berger qui les gardait. J'ai alors dit à Rabah de monter sur le cheval et lui ai demandé de le ramener à Talha pour aller ensuite informer le prophète alayhi salatu wassalam que les polythéistes venaient de voler ses chameaux. Je grimpai ensuite sur une colline et tournant mon visage vers Médine, je criai à trois reprises « Venez à notre secours !» Après cela, je me lançai à la poursuite des pillards, tirant des flèches dans leur direction et récitant des vers que j'avais composés. « Prends ça de la part d'Ibn al-Aqwa', aujourd'hui sera un jour sombre pour les brigands. Je jure par Allah que j'ai continué à leur décocher des flèches, me dissimulant derrière les arbres à chaque fois qu'un cavalier se tournait vers moi et profitant de ma position pour leur envoyer des flèches et les faire rouler au sol. » Finalement, ils pénétrèrent dans une gorge montagneuse étroite. À ce moment-là, je grimpai sur la hauteur de cette montagne et je les tins à distance en leur lançant des pierres. Je les harcelai ainsi jusqu'à ce que je pus libérer tous les chameaux. Les pillards s'enfuirent, mais je continuai à leur envoyer des flèches. Ils furent obligés d'abandonner une trentaine de manteaux et de lances afin de s'alléger. À chaque fois qu'ils laissaient tomber quelque chose, je marquais l'endroit d'une pierre afin que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, puissent les reconnaître comme étant des pièces du butin laissé par l'ennemi. Ils progressèrent jusqu'à arriver dans une vallée plutôt resserrée. Ils s'assirent alors pour manger un peu et je m'assis au sommet de la montagne. Quatre des brigands l'escaladèrent afin de m'appréhender. Je leur dis « Me reconnaissez-vous ? Je suis Salama ibn al-Aqwa'. Je peux tuer n'importe lequel d'entre vous, mais aucun de vous ne peut m'atteindre. » Ils revinrent alors sur leurs pas. Je suis alors resté à ma place jusqu'à l'arrivée des cavaliers du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui chevauchaient à travers les arbres. À leur tête se trouvait Ahram, suivi d'Abu Qatada al-Ansari, puis d'Al-Miqdad ibn al-Aswad. Ahram et Abdurrahman al-Fazari s'affrontèrent en combat singulier. Ahram coupa les jarrets du cheval de Abdurrahman, mais ce dernier parvint à tuer Ahram et il s'enfuit sur le cheval de celui-ci. Abu Qatada le rattrapa et le tua. Quant aux autres pillards, ils prirent la fuite et je les poursuivis jusqu'au coucher du soleil. Ils atteignirent une vallée où il y avait un point d'eau dénommé Dhu-Qurad et ils s'y arrêtèrent pour se désaltérer. Je pus cependant les chasser de la vallée avant qu'ils aient eu le temps de boire. Une fois la nuit tombée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons me rattrapèrent. Je m'adressai à lui en ces termes. « Ô messager d'Allah, les pillards sont assoiffés. Envoie-moi à la tête d'une centaine d'hommes et je les capturerai tous. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me répondit « Ô Ibn al-Aqwa', tu as eu le dessus sur eux, sois donc indulgent. Ils sont maintenant chez les Ratafan qui les ont reçus comme hôtes. » Et il ajouta « Notre meilleur cavalier aujourd'hui, c'est Abu Qatada, et notre meilleur fantassin, c'est Salama. Il me confia deux parts du butin, celle réservée à un cavalier et celle destinée à un fantassin. » Sur le chemin du retour à Médine, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me prit en croupe sur sa chamelle. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait désigné comme lieutenant à Médine Ibn Maktoum et l'avait confié l'étendard à Al-Miqdad Ibn Amr. L'expédition contre Khaybar au mois de Muharram de l'an 7 de l'Hégire. Khaybar était une ville à la fois spacieuse et très bien fortifiée où l'on trouvait des châteaux forts et des fermes. Elle était située à environ 120 km au nord de Médine, mais aujourd'hui elle n'est plus qu'un village connu pour son climat insalubre. Le traité d'Al-Hudaybiyah s'était traduit par un retrait de la sphère des combats du principal protagoniste de l'alliance anti-islamique tripartite, à savoir Quraysh. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit cette période pour se concentrer sur les autres composantes de cette alliance, c'est-à-dire les juifs et les tribus du Najd, afin d'établir la paix et la sécurité nécessaires à la propagation du message de l'islam. Khoïbar avait toujours constitué un centre actif de conspiration contre l'islam et les juifs de cette région s'étaient livrés à plusieurs reprises à des provocations militaires. Les juifs de Khoïbar avaient été à l'origine de la constitution d'une coalition des puissances arabes dans le but de marcher sur Médine en l'an 5 de l'Hégire. Ils avaient poussé les Banu Qurayza à la trahison, tissé des liens étroits avec les Ratafan et les Bédouins et avaient même tenté d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, les coups subis continuellement par les musulmans étaient avant tout imputables à ces juifs. Les musulmans recoururent à l'élimination des têtes conspiratrices comme Salam ibn al-Huqayq et Asir ibn Razzam, mais cela n'était pas suffisant. Et les musulmans durent se résoudre à mener une campagne militaire afin de réprimer leur hostilité. Les Quraychites étant neutralisés après les accords d'Al-Hudaybiyah, ils pouvaient enfin sévir contre les juifs de Khaybar. Ibn Ishaq a dit, après son retour d'Al-Hudaybiyah, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, resta à Médine pendant tout le mois de Dhul-Hijjah et une partie du mois de Muharram. Il marcha sur Khaybar au mois de Muharram. Les exégètes du Coran suggèrent que la prise de Khaybar était annoncée implicitement dans les paroles d'Allah, telle une promesse divine. « Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez, et il a hâté pour vous celle-ci. » C'est-à-dire Khaybar. Sourate 48, verset 20, selon le sens du verset. Les hypocrites et les gens au cœur faible s'étaient abstenus de se joindre aux musulmans sincères lors de la campagne d'Al-Hudaybiyah. Aussi Allah Tout-Puissant a-t-il ordonné à leur encontre « Ceux qui restèrent en arrière diront, quand vous vous dirigez vers le butin pour vous en emparer, laissez-nous vous suivre. » Ils voudraient changer la parole d'Allah. Dis, jamais vous ne nous suivrez, ainsi Allah a déjà annoncé. Mais ils diront, vous êtes plutôt envieux à notre égard. Mais ils ne comprenaient en réalité que peu. Sourate 48, verset 15, selon le sens du verset. C'est pour cette raison que le prophète, alayhi salatu wassalam, s'apprêtant à marcher contre les juifs de Khaybar, n'invita à le suivre que ceux qui voulaient sincèrement combattre pour la cause d'Allah. Seuls les 1400 hommes ayant prêté serment d'allégeance à Al-Hudaybiyah le suivirent. Sabbah ibn Arfat al-Rifari fut désigné comme lieutenant du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Il faut également noter qu'un autre événement très important survint alors, à savoir l'entrée en islam d'Abu Huraira radiallahu anhu. Les hypocrites ne manquèrent pas d'alerter les juifs de Khaybar. Leur chef, Abdullah ibn Ubay, dépêcha un émissaire auprès de ces derniers pour les avertir du danger et les exhorter à résister aux musulmans qu'ils surclassaient à la fois en nombre de soldats et par la qualité de leur armement. Dès qu'ils prirent connaissance de cette nouvelle, les juifs dépêchèrent Kinana ibn Abil Huqayq et Houza ibn Qays chez leurs alliés les Ratafan pour solliciter une aide militaire en leur promettant la moitié des récoltes fruitières de leurs fermes en cas de victoire sur les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa par le mont Isr, puis par As-Sahba et continua d'avancer avant de s'arrêter dans une vallée appelée Ar-Rajir pour établir le campement de l'armée musulmane. Ainsi positionnée, l'armée empêchait l'intervention des Ratafan en faveur des Juifs de Khaybar. Les Ratafan se dirigèrent vers Khaybar, mais en chemin, ils entendirent un vacarme, et croyant que les musulmans avaient attaqué leur tribu, ils revinrent sur leurs pas. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fit venir ses deux guides, l'un d'eux s'appelait Hasil, pour lui indiquer le meilleur chemin menant à Khaybar par le nord, c'est-à-dire du côté de la Syrie, empêchant ainsi les Juifs de prendre la fuite vers la Syrie et les Ratafan de leur porter secours. Les deux guides le menèrent à une intersection d'où partaient quatre pistes aux désignations différentes, mais conduisant toutes à Khaybar. Il choisit d'emprunter la quatrième parce que les trois premières avaient de mauvaises dénominations. Notons que quelques épisodes intéressants jalonnèrent la marche des musulmans vers Khaybar, dont nous mentionnons les suivantes. Salama ibn al-Aqwa' a rapporté les faits suivants. Nous avons marché sur Khaybar en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyagions de nuit. L'un des hommes dit à Amir, « Ne nous feras-tu pas entendre une de tes compositions ?» Doué pour la poésie, Amir stimula les gens en récitant, « Seigneur, n'eût été toi, nous ne connaîtrions ni droiture, ni aumône, ni prière. Pardonne-nous et préserve-nous de ce que nous craignons. » Raffermis nos pas lorsque nous aurons rencontré l'ennemi. Rends-nous sereins. Si l'on nous appelle pour nous détourner de la vérité, nous refusons. Mais s'il s'agit de la vérité, qu'on nous appelle alors à grands cris. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demanda, « Qui est ce guide chamelier ? » « Il s'agit de Amir », lui répondit-on. Il dit « Qu'Allah lui accorde sa miséricorde ». Un homme dit alors « Le martyr est alors son destin, ô messager d'Allah, que ne nous as-tu pas laissé jouir de sa présence plus longtemps ?» Les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam savaient fort bien qu'il, le prophète alayhi salatu wassalam, n'invoquait la miséricorde d'Allah sur l'un d'entre eux que s'il s'agissait d'une personne promise au martyr. Un jour, en descendant une vallée, les musulmans se mirent à glorifier Allah, criant le plus fort possible « Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah ». Le prophète alayhi salatu wassalam leur demanda alors de baisser le ton de leur voix en disant « Contenez-vous ». Celui que vous invoquez n'est ni absent ni sourd. Il est proche de vous et il est parfaitement audient. À As-Sahba, tout près de Khaybar, le prophète alayhi salatu wassalam accomplit la prière de l'après-midi, al-Asr. Ensuite, il fit apporter les provisions. On ne lui présenta alors que de la farine fine qui, sous son ordre, devint abondante de telle sorte que tout le monde put en manger. Par la suite, il effectua la prière du Maghrib sans refaire ses ablutions, se contentant de se rincer la bouche. Ses compagnons suivirent son exemple, et il en fut de même pour la prière de la nuit, al-Isha. Le matin suivant, les musulmans s'acquittèrent de la prière de l'aube, subh, et marchèrent contre les habitants de Khaybar. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'attaquait jamais l'ennemi avant le lever du jour. Lorsque les juifs sortirent pour vaquer à leurs travaux quotidiens, munis de leurs haches, pelles et cordes, et conduisant leurs troupeaux, ils furent surpris de voir l'armée musulmane et s'exclamèrent ainsi. « Muhammad est venu avec son armée !» Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Allahu Akbar, Allah est le plus grand, Khaybar tombera. Lorsque nous descendons sur le seuil de leur demeure, quel mauvais matin alors pour ceux qu'on a avertis !» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait choisi un emplacement qu'il jugeait convenable pour y établir son campement et quartier général. Cependant, Hubab ibn al-Munzir suggéra de changer de position car le campement était à proximité du fort de Nata' où se concentrait la plus grosse partie de l'armée de Khaybar. En outre, le campement se situait dans un terrain malsain et entouré de palmiers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuva la proposition de Hubab ibn al-Munzir et changea de position. Une fois arrivé à proximité de Khaybar, le prophète alayhi salatu wa sallam ordonna à ses soldats de s'arrêter et il se mit à invoquer ainsi Allah. « Ô mon Dieu, Seigneur des sept cieux et de ce qu'ils contiennent, Seigneur des sept terres et de ce qu'elles supportent, Seigneur des démons et de quiconque est égaré par eux. Nous te supplions de nous accorder le meilleur de cette ville, de ses habitants et de ce qu'elle contient, et nous nous réfugions auprès de toi contre le mal de cette ville, de ses habitants et de ce qu'elle cache. » Puis il lança l'ordre suivant, « Maintenant, avancez au nom d'Allah. » La veille du début de la chute des châteaux forts de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Demain, je confierai l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager et qui en est aimé également. » Tous les musulmans s'avancèrent le lendemain matin en espérant se voir confier l'honneur de brandir la bannière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit alors venir Ali ibn Abi Talib qui souffrait des yeux. Il lui postillonna dans les yeux et fit une invocation en sa faveur. Aussitôt Ali fut guéri et il lui remit l'étendard. Ali, de son côté, s'engagea solennellement à combattre tant que les Juifs de Khaybar ne se seraient pas soumis à l'islam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit ceci. « Va, sois calme tout au long du chemin qui mène à leur position. Alors invite-les à l'islam. Dis-leur les devoirs que la religion leur impose vis-à-vis d'Allah. Par Allah, il vaudrait mieux pour toi de mettre grâce à Allah un seul homme dans la bonne voie que de posséder des chameaux rouges. » Le territoire de Khaybar était divisé en deux parties dont la première comptait cinq fortins dénommés comme suit. Le château de Na'im, le château d'As-Sa'b ibn Mu'az, le château de Khal'it az-Zubayr, le château d'Ubay et le château d'An-Nazar. Les trois premiers se trouvaient dans le secteur dit An-Nata', les deux autres dans As-Sawiq. Quant à la seconde partie, elle était connue sous le nom d'Al-Katiba et comptait trois autres fortins. Al-Qamous, Al-Watih et As-Sulalim. Le premier appartenait au Banu Abil Huqayq des Banu Nadir. Début des véritables opérations militaires. Le premier fortin que les musulmans attaquèrent fut celui de Na'im, qui constituait la première ligne de défense établie sur une position très stratégique. Ce château fort était celui de Marhab, un chevalier redoutable. Ali se dirigea vers ce fortin, appela ses habitants à l'islam, mais ils rejetèrent son appel. Les Juifs, commandés par Marhab, sortirent à la rencontre des musulmans, et Marhab défia les musulmans en combat singulier en déclamant ces vers « Tout le pays de Khaybar connaît ma valeur, armé de pied en cap, un brave expérimenté lorsque la guerre flamboie. » Amir ibn al-Aqwa lui répondit en récitant « Tout le pays de Khaybar connaît ma valeur, armé de pied en cap, un brave aventurier. » Puis il alla à sa rencontre, mais lorsqu'il frappa le juif, son épée trop courte se retourna contre lui et le blessa mortellement. Le prophète alayhi salatu wassalam dit plus tard « Une double récompense attend Amir dans l'au-delà. » Il réunit deux de ses doigts pour symboliser ce fait avant d'ajouter « Peu d'Arabes ont marché comme lui. » Ali ibn Abi Talib sortit alors des rangs musulmans en récitant les vers suivants. « Ce sera moi, moi que ma mère surnommait Haydara, tel un lion des forêts à l'aspect effrayant. Avec mon sabre, je les mesurerai de la bonne mesure. » Il se rua sur Marhab et lui asséna un coup mortel sur la tête. Lorsque Ali s'approcha des fortins des Juifs, un homme l'interpella du haut d'un fortin pour lui demander de décliner son identité. Il se présenta et le Juif lui dit « Par ce qui a été descendu sur Moïse, vous aurez le dessus. » Yasir, le frère de Marhab, fit alors face aux musulmans pour les combattre. Az-Zubair engagea la lutte et le tua sur le champ. Une vraie bataille rangée s'ensuivit et elle dura plusieurs jours, les Juifs faisant preuve d'une grande résistance. Cependant, ils finirent par se rendre compte de l'inutilité de leur résistance et ils abandonnèrent la forteresse de Na'im pour se réfugier dans celle d'As-Sa'b. Al-Hubab ibn al-Munzir al-Ansari mena l'attaque contre As-Sa'b. L'assiégeant pendant 3 jours avant de réussir à l'investir, les musulmans y saisirent un butin considérable ainsi qu'une grande quantité de nourriture. Cette victoire survint à la suite des invocations du prophète, alayhi salatu wassalam. Ibn Ishaq a rapporté que les Banu Sahm des Banu Aslam sont venus voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui ont dit « Nous avons faim, mais nous n'avons rien à manger. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, fit alors l'invocation suivante. « Ô mon Dieu, tu connais leur état. Ils n'ont plus de force et je n'ai rien qui puisse les nourrir. Accorde-leur la victoire sur le fortin le plus riche en vivres et en graisse. » Le lendemain, les musulmans purent avant le coucher du soleil anéantir la résistance du fortin d'As-Sa'b, qui était de tous les fortins de Khaybar, celui où se trouvait la plus grande quantité de nourriture. Les musulmans s'emparèrent aussi d'engins de guerre. Lors de ces opérations militaires, les musulmans, tenaillés par la faim, allumèrent des feux et égorgèrent des ânes domestiques pour consommer leur viande. Mais lorsque le prophète alayhi salatu wassalam le sut, il leur ordonna de renverser les marmites, interdisant ainsi de manger la chair de ces animaux. Entre-temps, les Juifs évacuèrent tous les autres fortins d'An-Nata' pour venir se barricader dans le fort d'Az-Zubair, une excellente position défensive, inaccessible à la cavalerie comme à l'infanterie. Les musulmans l'assiégèrent pendant 3 jours en vain. Un Juif informa le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de l'existence d'une source souterraine alimentant le fort en eau potable. Il lui conseilla de la dévier en vue de miner la détermination des défenseurs. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, exécuta ce plan, et les Juifs furent obligés de sortir, ce qui se traduisit par un combat serré entre eux et les assaillants musulmans. Quelques musulmans ainsi que 10 Juifs furent tués, mais le fort fut finalement conquis. Après cette bataille, les Juifs se réfugièrent au château d'Ubayy. Les musulmans en firent le siège durant 3 jours, puis le grand héros musulman, Abu Jujana, Sammak ibn Kharsha al-Ansari, l'homme au bandeau rouge, mena l'assaut final à la tête de l'armée musulmane et parvint à en chasser les défenseurs qui durent se réfugier dans le fort d'An-Nazar pour sauver leur vie. An-Nazar était le plus inexpugnable des 5 forts du premier secteur, et les Juifs étaient convaincus qu'ils étaient en sécurité à l'intérieur et que tout assaut serait voué à l'échec. C'est pourquoi ils jugèrent ce refuge convenable pour leurs femmes et leurs enfants. Les musulmans soutinrent le siège d'An-Nazar et tentèrent d'assaillir les Juifs. Toutefois, leur fort était imprenable car se trouvant sur une hauteur qui surplombait tous les environs. Les Juifs qui défendaient cette position ne voulaient surtout pas affronter les musulmans en combat frontal, c'est pourquoi ils se contentaient de harceler ces derniers à l'aide de tirs de flèches ou de jets de pierres. Considérant cette situation, le prophète alayhi salatu wassalam ordonna d'utiliser des catapultes et celles-ci se révélèrent efficaces. Elles ébranlèrent les remparts, permettant ainsi de fournir un accès facile à l'intérieur de la forteresse. Les combattants musulmans engagèrent un rude combat et les Juifs essuyèrent une sévère défaite, car ils ne purent, comme lors des combats précédents, se réfugier dans d'autres fortins. Mis en déroute, ils prirent la fuite en abandonnant femmes et enfants. Après cette série de succès militaires, la première partie du territoire de Rebar se trouva pacifiée et les Juifs qui y vivaient se réfugièrent dans l'autre partie. La conquête de la seconde partie de Rebar. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son armée se rendirent à Al-Katiba, les fortins d'Al-Qamouz, d'Al-Watih et d'Al-Sulalim, la seconde partie de Khaybar, ils y établirent un siège complet pendant 14 jours, tandis que les Juifs se retranchèrent dans leurs forts. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut sur le point d'utiliser les catapultes, les Juifs prirent conscience de l'imminence de l'issue fatale qui les attendait. Ils demandèrent alors la conclusion d'une paix négociée. Il y a toutefois controverse au sujet de cette annexion. Cette partie de Khaybar fut-elle conquise par force? Ibn Ishaq a clairement indiqué qu'Al-Qamous fut pris d'assaut et qu'aucune négociation ne s'engagea entre les Juifs et les musulmans en vue de la capitulation de ce fortin. Al-Waqidi, de son côté, a affirmé que les trois places fortes se rendirent suite aux négociations. Il est cependant possible que les Juifs d'Al-Qamous aient tout d'abord combattu avant de capituler. Les négociations. Le fils d'Abul Huqayk fut dépêché auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en vue de négocier un traité de paix. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, accepta d'épargner la vie des Juifs à condition qu'ils abandonnent Khaybar et les terres qui en dépendaient et qu'ils laissent sur place leur or et leur argent. En outre, il stipula qu'ils se considéreraient libres de cet engagement envers eux s'ils cachaient une partie de leurs biens. Peu après, les forts furent remis aux musulmans et tout Khaybar entra ainsi dans le giron de l'islam. En dépit des clauses du traité, les deux fils d'Abul Huqayk dissimulèrent l'argent et les bijoux appartenant à Huyay ibn Akhtab qu'il avait emporté à Khaybar après l'expulsion des Banu Nadir de Médine. Ibn Ishaq a rapporté « L'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam fit venir Kinana ibn Rabi' qui gardait le trésor des Banu Nadir. Ce dernier nia connaître l'emplacement de ce trésor. Un juif dit alors au prophète alayhi salatu wassalam avoir vu Kinana rôder chaque matin autour d'un lieu isolé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wassalam dit à Kinana « Si nous y trouvons le trésor, j'ordonnerai ton exécution. » Kinana acquiesça. Lorsqu'on fouilla le lieu qui avait été indiqué au prophète alayhi salatu wassalam, on découvrit une partie du trésor. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Kinana où était le reste, mais il refusa de répondre. Az-Zubayr fut alors chargé de le supplicier jusqu'à ce qu'il avoue. Finalement, Kinana fut livré à Muhammad ibn Maslama qui le mit à mort pour venger la mort de son frère Mahmoud tué sur le seuil du fort de Na'im. Ibn al-Qayyim a dit que les deux fils d'Abul Huqayk furent exécutés pour n'avoir pas respecté leur engagement vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam au sujet de la restitution des biens des Juifs. La répartition du butin. Conformément au traité qui avait été conclu, les Juifs devaient évacuer Khaybar. Mais ils exprimèrent le souhait de continuer à travailler les riches terres et les vergers fertiles de Khaybar, donnant en échange aux musulmans la moitié des récoltes. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se montra bienveillant et agréa leur demande. Il divisa les terres de Khaybar en 36 parts, chaque part contenant 100 lots. Une partie revint à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses hommes, c'est-à-dire 1800 lots. L'autre partie fut divisée en 1800 lots, parce qu'elle représentait le butin abondant qu'Allah avait promis aux gens d'Al-Hudaybiyya qu'ils aient pris part ou non aux événements de Khaybar. L'armée musulmane comprenait ce jour-là 1400 hommes, dont 200 cavaliers. Ces derniers reçurent chacun trois lots, un lot pour le combattant et deux pour sa monture. Quant aux fantassins, ils eurent droit à un seul lot. Le butin issu de Khaybar fut si important qu'Ibn Omar dit à ce sujet « Nous n'avons jamais mangé à notre faim jusqu'à ce que nous eûmes conquis Khaybar. » Aïcha, quant à elle, a dit « Lorsque fut conquise la ville de Khaybar, nous avons dit « Maintenant, nous allons pouvoir nous rassasier de dattes. » À leur retour à Médine, les Muhajiroun furent en état de restituer aux Ansar les biens, il s'agissait de palmiers, qu'ils avaient reçus d'eux. C'est au cours de l'expédition contre Khaybar que le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, Ja'far ibn Abi Talib et ses compagnons, ainsi qu'Abu Moussa al-Ash'ari et quelques autres musulmans rentrèrent d'Abyssinie. Abu Moussa al-Ash'ari a dit « Nous apprîmes le départ de l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam pendant que nous étions au Yémen. Je partis aussitôt le rejoindre avec deux de mes frères plus âgés que moi. J'avais avec moi 50 et quelques hommes de ma tribu. Nous nous embarquâmes sur un navire, mais ce navire fut jeté sur le pays du Négus en Abyssinie. Nous rencontrâmes là Ja'far ibn Abi Talib et nous demeurâmes ensemble jusqu'au jour où nous nous mîmes tous en route. Nous rejoignîmes le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, au moment où il s'emparait de Khaybar. Bien que nous n'ayons pas assisté à l'expédition, il nous donna une part du butin et nous fûmes les seuls à bénéficier de cette faveur. À l'arrivée de Ja'far à Khaybar, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'accueillit et dit « Par Allah, je ne sais quel événement me procure plus de joie, la conquête de Khaybar ou la venue de Ja'far. » L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait dépêché Amr ibn Umayya à Damri auprès du Négus pour lui demander d'envoyer les musulmans qui étaient encore en Abyssinie. Il y avait 16 hommes avec leur famille, les autres émigrants étant déjà rentrés à Médine. Dans le même contexte, Safiya, dont le mari, Kinana ibn Abil Huqayk, avait été tué pour trahison, fut emmenée comme captive aux côtés d'autres prisonniers de guerre. Après avoir obtenu la permission du prophète, alayhi salatu wassalam, Dihya al-Kalbi choisit Safiya parmi les prisonniers. Plus tard, un homme vint dire au prophète, alayhi salatu wassalam, que Dihya avait pris Safiya, la fille de Huyayi. Il attira son attention sur le fait qu'elle convenait davantage, attendu son statut social, au prophète, alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, invita Safiya à devenir musulmane. Il l'affranchit et l'épousa lorsqu'elle se convertit à l'islam, sa dot étant son affranchissement. Au niveau du barrage d'As-Sahba, sur la route du retour à Médine, le mariage fut consommé. Salama, après avoir préparé sa fille, la lui offrit dans la nuit. Le lendemain, le prophète alayhi salatu wassalam offrit un banquet de dattes, de graisse et de farine en l'honneur de la mariée, avec qui il resta pendant 3 jours lors du retour à Médine. Il vit une tache verte sur son visage et dit « Qu'est-ce que c'est ?» Celle-ci répondit « Messager d'Allah, avant ton arrivée chez nous, j'ai fait un songe dans lequel on eût dit que la lune, après avoir quitté sa place, était venue tomber sur moi. D'abord, par Allah, je ne dis rien à personne. Ensuite, j'en informai mon mari qui me gifla en me disant « Tu es favorable à ce roi qui est à Médine ». Après la chute de Khaybar, une femme juive appelée Zainab bintul Harith, épouse de Sallam ibn Mishkam, offrit au prophète, alayhi salatu wassalam, un mouton rôti qu'elle avait empoisonné. Il en goûta un morceau, mais le recracha en disant « Cet os me dit qu'il est empoisonné ». Après enquête, il s'avéra que la femme avait mélangé du poison à la viande en prétendant que cela révélerait la réelle nature du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. S'il était un roi, elle s'en débarrasserait, mais s'il s'agissait réellement d'un prophète, il découvrirait à temps la vérité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décida de ne lui appliquer aucune sanction et ferma les yeux sur sa traîtrise. Mais il ordonna qu'elle soit exécutée lorsque Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rour, qui avait lui aussi mangé du même mouton, mourut de ce poison. Le nombre de musulmans qui trouvèrent le martyr à Khaybar est controversé, mais il est compris entre 16 et 18, et du côté des juifs, il y eut 93 morts. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam arriva à Khaybar, il envoya aux juifs de Fadak, un village situé dans le nord de Khaybar, Muhayyisa ibn Mas'ud, pour les appeler à l'islam. Mais ils tardèrent à donner une réponse. Mais une fois Khaybar conquise, ils se hâtèrent de demander la paix et la vie sauve en échange de la moitié des récoltes de Fadak. Le prophète alayhi salatu wassalam conclut avec eux un accord semblable à celui convenu avec les juifs de Khaybar. Les territoires de Fadak revinrent exclusivement au prophète alayhi salatu wassalam car les habitants de Fadak capitulèrent sans combat. À peine l'affaire de Khaybar eut-elle été close que le prophète sallallahu alayhi wassalam amorça un mouvement en direction de la vallée d'Al-Qura où vivaient des Juifs et des Arabes. Les Juifs leur lancèrent des flèches. L'une d'elles atteignit Mud'im, un esclave du prophète alayhi salatu wassalam, et les gens dirent « qu'ils se réjouissent du paradis ». Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit « pas du tout. J'en jure par celui qui tient mon âme entre ses mains, le manteau qu'il prit sans droit à Khaybar et qui appartenait au butin servira à allumer pour lui le feu de l'enfer ». En entendant ces paroles, un homme rapporta au prophète alayhi salatu wassalam un ou deux lacets. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « un ou deux lacets de feu ». Il mobilisa ses troupes et les répartit en 3 régiments avec 4 étendards confiés à Sa'd ibn Ubada, Al-Hubab ibn al-Mundhir, Abbad ibn Bishr et Sahl ibn Hanif. Avant d'engager le combat, il invita les juifs de la vallée d'Al-Qura à entrer en islam, mais toutes ces paroles et exhortations ne trouvèrent aucun écho chez eux. 11 Juifs furent tués l'un après l'autre dans des combats singuliers, et chaque fois que l'un d'entre eux tombait, l'appel à l'islam était réitéré aux autres Juifs. Les affrontements durèrent jusqu'au coucher du soleil. Le lendemain, à l'aube, les Juifs capitulèrent sans condition. Leurs biens échurent aux musulmans. Le prophète, alayhi salatu wassalam, demeura 4 jours dans la vallée d'Al-Qura, pendant lesquels il répartit le butin entre les combattants musulmans et conclut avec les Juifs des accords similaires à ceux de Khaybar et de Fadak. Les Juifs de Taïma, ayant appris les déconvenues des gens de Khaybar, de Fadak et de la vallée d'Al-Qura, ne montrèrent aucun signe de résistance lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, atteignit leur demeure. Au contraire, ils prirent l'initiative de payer un tribut aux musulmans en échange de leur protection. Cet accord fut accepté par le prophète, alayhi salatu wassalam, et consigné par Khalid ibn Sa'id. En voici le texte. C'est un écrit de Muhammad, l'envoyé d'Allah, au Banu Adiya. Ils sont assurés de la protection des musulmans. Mais ils doivent s'acquitter de la jizya. Ils ne seront ni agressés ni déportés. Puisse la nuit prolonger et le jour raffermir l'effet de ce traité. Les musulmans prirent alors le chemin du retour et arrivèrent à Médine à la fin du mois de Safar ou au début du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 7 de l'Hégire. Durant le voyage du retour, ils s'endormirent une nuit et ne se réveillèrent qu'une fois le soleil levé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ordonna de quitter la vallée où ils avaient passé la nuit, puis pria un peu plus tard le Fajr. Il est cependant des versions qui, bien qu'elles attestent de la véracité de cet événement, disent qu'il n'a pas eu lieu au cours de ce voyage. La Sariya d'Abban ibn Sa'id. Il est important de noter que le prophète, alayhi salatu wassalam, particulièrement expert dans l'art de la guerre, avait aisément compris qu'après son départ pour Khaybar, Médine allait être exposée aux attaques des bédouins du désert une fois la période des mois sacrés écoulée. C'est pourquoi il dépêcha Abban ibn Sa'id ibn al-As à la tête d'un détachement au Nejd, afin de dissuader les bédouins de commettre des agressions contre les habitants de Médine durant sa présence à Khaybar. Abban s'acquitta fort bien de sa tâche et partit ensuite rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam à Khaybar où il arriva après la fin des combats et la reddition des Juifs. Il est très probable que ce détachement soit parti en direction du Nejd au mois de Safar de l'an 7 de l'Hégire.